J'attends toi Isaac, c'est que t'écoutes bien à ta mère, que tu évites de lui répondre lorsqu'elle te ramènera les pieds sur terre. Ce que je voudrais c'est que tu prennes soin de tes sœurs, que t'aies de l'amour et non de la haine, et surtout pas cet esprit vengeur. Ce que je voudrais c'est que tu ne m'oublies pas, que tu ne chiales pas, même s'il m'arrivait quoi que ce soit. Ce que je voudrais c'est que tu fasses mieux que moi. J'ai pas toujours été clean, un de ces jours on parlera d'autres fois. Ce que je voudrais c'est que tu réussisses, que tu fuis l'orgueil et que devant Dieu tu fléchisses. Ce que je voudrais c'est que tu honores ta mère, que tu prennes soin d'elle, qu'elle compte à tes yeux plus que ta prunelle. Tu sais ta mère fils c'est quelqu'un, elle voyait en moi de l'or, quand les autres ne voyaient en moi qu'un vaurien. Ça n'a pas été toujours facile pour nous deux, mais entre elle et moi, c'était le paradis et les cieux. Je me rappelle lorsque vous êtes venus un à un, grâce de Dieu, notre vie s'est embellie, ça c'est certain. J'espère que tu deviendras un bon gars, et surtout si tu veux vivre, que tu honoreras Yeshua. This is for my children, nos fils, nos filles, nos mômes. This is for my children, ma chair et mon sang, ils sont ma chair et mon sang. Ma chair et mon sang, ils sont ma chair et mon sang. Quel prix ce cadeau Dieu a pu me faire en me donnant des mômes, alors que je planais entre ciel et terre, loin d'être un homme, poussant mes limites au maximum. Toujours plus dans le faux que dans le vrai. En somme, j'étais loin d'être apte, ni même capable d'assumer un quelconque rôle au sein d'une famille. Pourtant, le 11-01-9-2, Dieu m'a donné une fille alors que je n'avais que 16 ans. Bienvenue bébé, tu sais petite Anaïs, ton arrivée m'a poussé à abandonner tous mes vices. Ce soir là, t'as crié tellement fort que t'as fait plus de bruit qu'un live d'Elvis. Que Dieu nous bénisse, ensemble on a fait du chemin jusqu'au jour où il fallait que ton frère Néhémie jaillisse. Son nom qui signifie l'éternel a consolé. Par lui Dieu a pensé nos plaies, effacé nos regrets. Tu sais, j'en passais des meilleurs jusqu'au jour où Alana, ta sœur est venue parmi nous. Elle nous a donné de relever le défi d'être heureux dans des temps de tristesse quand mon père était loin de nous. Enfin bref, que du bonheur d'avoir des mômes, mais on en veut encore. Bientôt une graine va éclore. Louange à celui qui donne et qui reprend. This is for my children, nos fils, nos filles, nos mômes. This is for my children, ma chair et mon sang, ils sont ma chair et mon sang. Manon et Noah, marchez dans les traces de Sarah. Restez purs et méfiez-vous des chiens et des rats. Méfiez-vous des démons qui sous l'allure de prince vous tendront les bras. Méfiez-vous de tous ces gens qui pour vous jamais lèveront le petit doigt. Méfiez-vous des loups en tenue de brebis. Sachez dire non quand faudra pas dire oui. Que je sois ici ou là-bas, vous serez toujours avec moi. Vous êtes ma vie, mon inspiration. Manon, Isaac et Noah, et si le ciel m'emporte, j'emporterai une part de vous avec moi. Histoire d'en laisser un petit bout dans les bras de la mama. Vous êtes mon seul amour, et maintenant je le sais, à cause de vous, je n'aimerai qu'une fois. This is for my children, nos fils, nos filles, nos mômes. This is for my children, ma chair et mon sang, ils sont ma chair et mon sang. This is for my children, nos fils, nos filles, nos mômes. This is for my children, ma chair et mon sang, ils sont ma chair et mon sang.